quoi tu penses quand tu imagines que t'es en transe. Fais les bébés, est-ce que ce soir tu veux qu'on bouge dans le noir? Salut bébé, comment tu vas? J'espère qu'au moins tu prends soin de toi. Salut bébé, qu'est-ce que tu sniffes pour dire comme ça que tu me quittes? Salut bébé, est-ce que la nuit tu penses à moi? Tu pousses des cris. Just cry for me. I'm a rock star, and just cry for me. Chaque jour, j'avais.